Y'en a marre des MC qui arrêtent pas de raconter la même. Le rap il se barre en couille, écoute, y'a que de la haine mon frère. Que des mecs qui représentent, je sais pas quoi, putain, il est où le message positif là-dedans, hein? Même si ce que je raconte dans le couplet, tu l'as vécu, tu le vis, ça sert à quoi de le raconter, hein? Les gens après ils s'identifient à ce que tu racontes, et inconsciemment ils rentrent dans le délire. Et ça se barre en couille, la délinquance augmente. Et le bien il est où dans tout ça, hein? Eh, hey, le rap c'est un message positif. Chaque image ça doit être une bonne diapositive. Toi y'a que des sales clichés dans tes morceaux. Espèce de bouffon. Ici c'est Bagdad, n'est pas dans nos cités sans votre clic. Sans cesse tu vois des types suriner d'autres types. C'est violent, même la police dans mon secteur panique. Dans une des caves ils ont même pêché l'inspecteur d'Eric. Ici fait gaffe, ouais c'est même pire que les favelas. Le sang sur les pavés stagne, y'a trop peu de gens braves hélas. Dès que la nuit tombe tous les lascars partent charbonnés. Ton appart pète, au pire il pète à des clochards paumés. Le respect se perd, mais qu'est-ce que t'espères? Si tu dis rien et que tu te laisses faire, ils repartent avec ton best frère. Dans nos cités c'est bouillant comme un film d'action. Dans le tiexon, c'est piste de shit à ta d'arnaque sombre. Ici c'est la panique, on agit quand y'a pas de flics. Ça part vite en bas de trip pour ton fric si t'as pas de trip. Mentalité hardcore, non, c'est pas ça ma vie. Le vice pour eux, ouais, c'est une carapace amovible. C'est hardcore dans nos cités, on est que les chemises et l'état. On passe notre temps à pétaf, des spliffs et niquer des tas. Oh là là là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ces phases. Dans chaque texte, chaque son, j'entends toujours les mêmes phrases. C'est hardcore dans nos cités, on est que les chemises et l'état. On passe notre temps à pétaf, des spliffs et niquer des tas. Oh là là là là là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ces phases. Dans chaque texte, chaque son, j'entends toujours les mêmes phrases. Hey, c'est hardcore dans nos cités, nique sa mère, on vient du ghetto, tu te perds terre. On t'enterre, on baisse ta mère. Viens pas tester, hein, viens pas tester, foiré. Stop, hey, tu me parles de ton quartier, de ton machin. Mais t'es qui toi, hein? Arrête de jacter, arrête de représenter machin. Dis ce que tu penses, fais ton rap et arrête de foutre la merde dans la tête des petits jeunes. Si t'as capté le premier couplet, c'est de la caricature. De pauvres gars qui espèrent devenir comme ces caries qui tirent. À base de bastos réel, tu connais pas le ghetto, mec, pour être honnête. Arrête de jouer le bandit, faut que tu te reconnectes. J'sais pas si c'est Starface qui t'a influencé. Mais sache que celui qui parle pas souvent beaucoup en sait. Mec, tu dérailles, t'as même jamais sur un scarlat tiré. T'as touché un grenaille et t'es par les armes à tirer. Mais mélange pas tout, ici on est en France, cousin. T'influences les petits et t'expartes vers un sens malsain. Dans certaines cités, ok mec, c'est le boxon. Mais dans tes récits, tu condamnes tous ceux qui dans les blocs sont nés. Combien rêvent d'école et d'eau potable à leur table. Pendant que tu bises et frimes avec portable et décapotable. Je veux pas juger, mais à mes yeux, tu fais tiep. Il suffirait pour que tu changes d'un petit séjour en Éthiopie. J'aurais pu gueuler au micro, quartier d'or japonais. J'aurais pu gueuler au micro, quartier d'or japonais. J'aurais pu gueuler au micro, quartier d'or japonais. Quartier d'or japonais. C'est hardcore dans nos cités, on est que les chemises et l'état. On passe notre temps à pétaf, des spliffs et niquer des tas. Oh là là là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ces phases. Dans chaque texte, chaque son, j'entends toujours les mêmes phrases. C'est hardcore dans nos cités, on est que les chemises et l'état. On passe notre temps à pétaf, des spliffs et niquer des tas. Oh là là là là là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ces phases. Dans chaque texte, chaque son, j'entends toujours les mêmes phrases. J'aurais pu gueuler au micro, quartier d'or japonais. Mais après ce texte, ce serait retourner ma veste. On sent pas les coups d'où tu viens, ce qui compte c'est ce que tu penses. Quoi, à tout prix parler de haine, de conflit et de violence. J'aurais pu gueuler au micro, quartier d'or japonais. Mais après ce texte, ce serait retourner ma veste. On sent pas les coups d'où tu viens, ce qui compte c'est ce que tu penses. Quoi, à tout prix parler de haine, de conflit et de violence.